بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant la huitième partie dans l'explication du livre du Cheikh Abdus Salam ibn Burjis rahimahullah ta'ala. Dans son livre qui s'intitule Al-Mu'taqad al-Sahih, Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, c'est-à-dire la croyance, la bonne croyance, la croyance authentique qui est obligatoire pour chaque musulman. Hein? C'est-à-dire, tu dois y croire absolument et tu dois avoir la conviction en cela. Donc, on continue, on est toujours dans le cinquième chapitre, si on veut, dans le livre, au sujet de la foi. Et le cheikh ici maintenant, il explique quelque chose qui est relié à la question de la foi de façon générale, et c'est le point qu'il a intitulé Hukm al-Takfir. Hukm al-Takfir. Al-Takfir, qui vient du verbe en arabe kaffara yukaffiru, takfiran. Donc takfir, c'est le masdar. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'émettre un verdict, hein, ou de déclarer quelqu'un comme étant kafir. C'est ça que ça veut dire le takfir. Et le takfir en soi, c'est pas quelque chose qui est nécessairement rejeté ou contraire à l'islam. Par contre, si quelqu'un le fait sans respecter les règles et les conditions et sans science, et qu'il exagère, et qu'il dépasse les limites, alors là, dans ce cas-là, ça devient dangereux, et ça devient une cause d'égarement, et il peut tomber, justement par rapport à ça, dans l'égarement de la secte des Khawarij, qui ont justement erré au sujet du takfir. Donc, ceux qui ont exagéré dans le takfir, on les appelle les takfiriyoun. On les appelle les takfiriyoun. Pourquoi? Parce qu'ils exagèrent dans le takfir. Comme ceux qui ont nié le qadar, on les appelle les qadariyoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié le qadar. Et comme ceux qui ont exagéré ou dévié dans le jihad, on les appelle des jihadiyoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont exagéré dans les questions de jihad et ils ont dépassé la limite d'Allah. D'accord? Donc, quand on dit takfiri, takfiriyoun, on parle de ceux qui ont dépassé les limites d'Allah et qui ont exagéré et qui ont erré dans cette question-là. Ils font le takfir de manière injuste. Ils font le takfir sans preuve. Ils font le takfir sans science. Ils font le takfir sans tenir compte des conditions. Ils font le takfir sans tenir compte des empêchements. Le résultat, c'est qu'ils font un takfir qui est batil. Et le takfir, c'est un hukum shar'i, c'est un jugement légal de la sharia. Et donc, personne, on n'a pas le droit de déclarer comme étant kafir, excepté celui que Allah et son messager ont déclaré comme tel. D'accord? On n'a pas le droit de déclarer comme étant kafir, excepté celui que Allah et son messager ont déclaré comme étant kafir. Donc on va lire maintenant les paroles du Cheikh Abdus Salam qui explique tout ça. Hein? Donc il dit وَالتَّكْفِيرُ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا يُكَفِّرُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره. Donc il dit le takfir, c'est un droit exclusif d'Allah. Personne n'a le droit de déclarer quelqu'un comme étant mécréant ou kafir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son droit. Et donc, on n'a pas le droit de déclarer quelqu'un, ou quelqu'un n'a pas le droit de faire le takfir d'une personne et de déclarer quelqu'un comme étant mécréant ou kafir, excepté si Allah et son messager l'ont eux-mêmes déclaré comme étant mécréant, ou que les musulmans, c'est-à-dire les savants de l'islam, se soient mis d'accord et qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il soit kafir. D'accord? Donc, si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a déclaré comme étant kafir dans le Coran et dans la Sunna, il est kafir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Abu Lahab, hein, qu'il est kafir. Donc lui, il est kafir. Il dit à propos des chrétiens, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ceux qui disent que Allah est une trinité. Hein? Ou لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ceux qui ont dit que le Messie, fils de Marie, c'est Allah. Ou bien, yani, que c'est le fils d'Allah. Donc, ceux-là sont des kuffars parce que Allah les a déclarés comme tels. Hein? De même que les juifs, de même que, yani, les mushrikines, et ainsi de suite. Ceux-là, Allah les a déclarés kuffars, donc on est obligé de croire qu'ils sont des kuffars. Et donc, si quelqu'un a décrit, on va l'expliquer de toute façon avec les règles générales, on va mentionner tout ça. Après, le cheikh il dit فَمَنْ كَفَّرَ أَحَدًا بِغَيْرِ الْكُفْرِ الَّذِي قَامَ الْبُرْهَانُ الْجَلِيُّ عَلَيْهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَوْ السُنَّةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِتَغْلِيظِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ إِذْ مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, quiconque a déclaré quelqu'un d'autre comme étant mécréant, hein, فمن كفر احدا بغير الكفر, donc quiconque a déclaré quelqu'un mécréant sans que la personne en question on ait établi à son sujet avec une preuve claire établi par le Coran et établi par la Sunna ou bien établi par le consensus des musulmans que cette personne-là est réellement kafir, alors celui qui a fait cette déclaration de takfir, il mérite une sévère punition, hein, et un châtiment sévère, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari, selon Thabit ibn al-Dahhak, quiconque accuse un musulman, un croyant, quiconque accuse un croyant d'un kufr, c'est comme s'il l'avait tué. Man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Donc ça c'est grave. Hein? Tuer un croyant, c'est un kabir parmi les kaba'ir. Donc le déclarer kafir, c'est aussi parmi les kaba'ir, hein, et c'est dangereux. Et même dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un dit à son frère, ya kafir, eh bien ça revient contre lui. Hein. Soit que ça s'applique à la personne en question, ou sinon ça revient contre celui qui l'a dit. Donc ça c'est grave. Et combien de fois des gens aujourd'hui à notre époque déclare d'autres personnes kuffar sans preuve, sans science, sans règles, hein? Et ils disent ce mot-là comme si c'est devenu, ils pensent que c'est comme une insulte. C'est devenu comme une insulte. Et ils savent pas qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça implique comme conséquence. Le cheikh il dit ensuite, wal kufru yaqa'u bi qawlin kufriyin laysa fihi khilafun mu'tabarun wa kadha bi fi'lin وكذا باعتقاد وليس من شرط الكفر الاستحلال. Donc il dit le cheikh que le kufr peut se produire soit par une parole de kufr au sujet de laquelle il n'y a pas de divergences qui sont prises en considération, c'est-à-dire des divergences sérieuses, hein, une vraie divergence. Donc, si la personne a dit une parole de kufr sur laquelle il n'y a pas de divergence, alors on va considérer la personne comme étant dans ce cas-là comme ayant commis un acte de kufr. Hein? De même que ça peut également comprendre une action. Donc, ça peut être une parole de kufr, ça peut être un acte qui est considéré comme un acte comme du kufr, quelqu'un qui se prosterne devant une idole. Hein? D'accord? Ou quelqu'un qui dénigre le Coran. il prend le Coran, il marche dessus, ou bien il le jette dans la poubelle, ou bien il fait quelque chose qui est dérespectueux envers le Coran. Ça, c'est du kufr. Quelqu'un qui dit une parole de kufr, comme qui insulte Allah, qui insulte les prophètes, qui insulte la religion, ça, c'est des paroles de kufr claires. Ou bien par une croyance, c'est-à-dire il croit en quelque chose qui est kufr. Hein, comme il croit que Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu, ça c'est du kufr. Hein. Ou quelqu'un qui croit par exemple en, je sais pas moi, des exemples comme par exemple qu'il croit que adorer autre que Allah c'est permis. Hein. Ça c'est du kufr. Hein. C'est des exemples de kufr. Et il dit, ce n'est pas une condition pour que ce soit du kufr que la personne pense que cette chose-là soit halal. En voulant dire que quelqu'un, par exemple, qui va insulter Allah, tu vas dire ça c'est du kufr. Ou quelqu'un qui se moque de la religion, hein, qui fait des blagues sur la foi, sur la religion. Il se moque du paradis, il se moque de l'enfer, il se moque des hadiths, il se moque de la sunna, il se moque du hijab, hein, il veut ridiculiser ça, hein, et il fait des plaisanteries là-dessus pour rire ou pour dénigrer. Ça, c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat al-Tawbah, dans le Coran, قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Hein, dit, est-ce que c'est d'Allah, de son messager, de ses signes dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ça veut dire quelqu'un qui se moque de la religion, ça c'est du kufr. Donc ça peut être une parole, ça peut être une action, ça peut être une croyance, et c'est pas nécessaire que la personne croit que c'est licite de se moquer pour qu'il soit kafir dans ce cas-là. Par exemple, si quelqu'un dit « Non, mais je me suis moqué de la religion, mais je crois que c'est haram de le faire. » Même s'il dit « Je crois que c'est haram de le faire », il est quand même kafir. Hein? C'est pas comme le péché. Comme si, par exemple, quelqu'un boit de l'alcool, mais il dit « Je crois que c'est haram. Hein? Je le rends pas halal. » Il le rend pas halal, parce que s'il rend l'alcool halal, ça devient du kufr, même s'il le boit pas. Tandis que cet acte de kufr, hein, en soi, elle est kufr, peu importe qu'il le rende halal ou non. Ouais, ça rentre dans quelque chose qui peut être considéré comme du kufr aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui dit les juifs et les chrétiens sont nos frères, sont pas des kuffars. Celui qui croit en ça, il est kafir. Pourquoi? Parce que il contredit ce que Allah a dit dans le Coran. Et c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'a pas mentionné que les kuffars sont nos frères. Il dit innama al-mu'minuna ikhwa. Ce sont que les croyants qui sont des frères. Surat al-Hujurat. Innama al-mu'minuna ikhwa. Et il mentionne dans Surat al-Hashr, le verset dans lequel il dit alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les munafiqin comme étant les frères des gens des mécréants parmi les gens du livre. Donc ça veut dire que c'est une caractéristique des munafiqin de considérer les juifs et les chrétiens comme étant des frères. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il a une fatwa là-dessus, et puis Cheikh Ben Baz et beaucoup d'autres ulama, ils ont clarifié que celui qui considère les juifs et les chrétiens comme étant des frères en religion, ce sont des kuffars. Ce ne sont pas des musulmans. Parce que le musulman n'est pas un frère pour le kafir. Et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens parmi certaines catégories des groupes de Hizbiyah à notre époque, qui ont fait de ça leur méthodologie. Ils appellent à ce qu'ils qualifient de rapprochement ou d'unification des religions. Hein? Ils appellent au rapprochement des religions ou à l'unification des religions. Et ça, on le voit souvent parmi certains des shuyukh de l'Azhar, et d'autres également, comme Mohammed al-Ghazali, également Yusuf al-Qardawi et d'autres. Par exemple, Yusuf al-Qardawi, à la mort du pape, il a fait les éloges du pape, puis il lui a souhaité la miséricorde, et il a dit nos frères, et ainsi de suite. Donc, ça, tout ça, c'est des paroles de kofr. Donc, ça, on n'a pas le droit de dire ça. Et le cheikh, il explique un principe ici qui est très important. Et ça va clarifier quelques points aussi. C'est que le cheikh, il dit Farqun bayna takfir al-am wa takfir al-shakhs al-mu'ayyan. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه فقد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. Ça, le cheikh, il explique un point important aussi ici. Il dit, il faut distinguer entre le takfir qui est fait comme étant une règle générale et le takfir d'une personne spécifique et d'un individu spécifique. C'est deux choses complètement différentes. Les exemples que je viens de mentionner, ça c'est un exemple, je pense, le cheikh il a mentionné d'autres exemples. Mais je vais vous mentionner l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, ça rentre là-dedans aussi. Si je dis par exemple le takfir général, c'est comparable à la menace qui est générale. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yani ma asfal al-ka'bayn fa fi an-nar. Tout ce qui est en bas de la cheville des vêtements, hein, c'est dans le feu. Ça, c'est une menace générale. Ou bien, ceux qui mangent ou qui consomment les biens des orphelins, ils ne mangent dans leur ventre que du feu. Hein? Ça, c'est une menace générale. Et il y a le takfir d'une personne spécifique. Quand un individu dit à propos de quelqu'un d'autre, « Toi, t'es un kafir. » Ça, c'est un takfir spécifique. Il vise la personne et il la désigne elle-même comme étant kafir. Ça, c'est mu'ayyan. Ça, c'est spécifique. Et il y a une différence entre les deux. Et cette différence-là, c'est une différence comme le ciel et la terre. C'est très important de distinguer entre les deux. Et je vais vous expliquer des exemples que le cheikh il a mentionnés. Comme par exemple les imams de l'islam, parmi les salaf, ils ont dit, celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Et ça, ça a été à l'époque de l'imam Ahmad une grosse fitna. On appelle fitnatul khalq al-Quran, la fitna de la parole de que le Coran est créé. À l'époque, c'était les khulafa al-Abbasiyya. Les premiers khulafas de la dynastie des Abbasiyas, ils ont tous été sur la sunna et sur la voie des salafs, comme leurs précédents parmi les Umayyas. Sauf qu'arrivé à un d'entre eux, celui qu'on appelle le khalifa al-Ma'moun, lui il a été influencé par certaines idéologies et certaines sectes. Il a été entouré des Mu'tazila de son époque et il a été séduit par leurs fausses croyances. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la philosophie, les idéologies des kuffars. Il a même fait ouvrir créer un centre à son époque pour la traduction des textes grecs et des philosophies étrangères pour qu'on les traduise en arabe. Et bien entendu, étant donné que ceux qui connaissaient bien ou qui aimaient ces trucs-là, c'était les Mu'tazila, eh bien, il les a rapprochés de lui. Et eux ont utilisé cette proximité-là pour l'influencer et l'attirer. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont réussi à le tromper et à lui faire accepter leurs idées. Et parmi leurs idées, il y a la négation des attributs d'Allah. Ils ne croient pas en les attributs d'Allah. Et donc, eux, ils considèrent justement que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Ils disent, le Coran, il est créé. Donc, Al-Ma'moun, qui était le khalifa, il a fait imposer cette croyance à tous les imams et tous les ulama et tous les juges et tous les, hein, les gens qui avaient un poste d'enseignement parmi les savants de l'époque et les musulmans de l'époque. Tout le monde était obligé de dire qu'il croyait que le Coran est créé, sinon, soit il était emprisonné, torturé ou bien tué. S'il était juge, il était démis de ses fonctions aussi. S'il était imam, il ne pouvait plus être imam. S'il était cheikh, alim, un savant, il ne pouvait plus enseigner. Et donc, beaucoup de savants ont été torturés et même tués à cause de ça. Et parmi les savants qui ont justement résisté et qui ont défendu la sunna et la vérité, à cette époque-là, il y avait l'imam Ahmad. Hein? Il y restait ferme sur la position des gens de la sunna, que le Coran, il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. D'accord? Donc, les imams, malgré tout, tous les imams de la sunna de l'époque ont tous été catégoriques sur ce principe-là, que de croire que le Coran est la parole d'Allah, c'est l'obligation et c'est la vérité, et que si quelqu'un dit que le Coran est créé, il est kafir. Hein? Sauf que quand on a demandé à l'imam Ahmad, est-ce que Al-Ma'moun, il est kafir? Il n'a pas déclaré kafir. Donc, comment on peut expliquer ça? Que l'imam Ahmad dit, quiconque dit que le Coran est créé, il est kafir. Mais quand on lui demande, est-ce que Al-Ma'moun est kafir? Elle dit non. Alors qu'il a imposé à tous les imams de le dire. Il a torturé ceux qui refusaient et même tué certains d'entre eux. Et malgré tout, quand l'imam Ahmad, on lui a posé la question, est-ce qu'il est kafir? Il a dit non. Il a dit, il n'est pas kafir parce que lui, il est ignorant. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça implique. Il ne comprend même pas qu'est-ce qu'il dit. Donc, il ne l'a pas déclaré kafir à cause d'un empêchement. À cause d'un empêchement dans le sens que il a compris que cette personne a répété cette parole sans réellement comprendre qu'est-ce que ça implique comme kofr. Et il y a d'autres explications aussi qui ont été mentionnées, dans le sens que le fait de déclarer la règle générale que celui qui fait telle chose est kafir, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne qui fait cet acte ou qui dit cette parole ou qui croit en cette croyance va nécessairement être kafir aussi. C'est-à-dire que les ulama, ils disent que c'est pas toute personne qui dit une parole de kufr qui est nécessairement kafir. C'est pas toute personne qui fait un acte de kufr qui est nécessairement kafir. D'accord? Parce qu'il faut que la preuve ait été appliquée sur la personne. La preuve doit être établie sur la personne. Et il faut également vérifier que les empêchements sont éliminés. Hein? Et donc, il y a une différence entre le fait de dire le verdict de façon générale et le fait d'appliquer le verdict sur la personne de façon spécifique. C'est deux choses différentes. Si on demande, par exemple, Yani, comme par exemple, ici, il cite un autre exemple, la parole de l'imam Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, il dit, « Quiconque n'a pas affirmé ou déclaré que Allah est au-dessus de son trône, hein, élevé au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, s'il ne déclare pas ça, alors il est kafir, et son sang est halal, c'est-à-dire il doit être exécuté, et ses biens sont considérés comme un butin pour les musulmans. » D'accord? Ça, c'est la règle générale ou le verdict général que cet imam-là a mentionné, et beaucoup d'imams de Ahl Sunna ont dit ça aussi. Hein? Et après, il dit, est-ce qu'on applique ce verdict-là sur chaque individu qui dit cette parole ou qui refuse d'affirmer ce principe-là? Eh bien là, en fait, ça dépend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui sont ignorants. Si tu leur demandes où est Allah, ils vont dire il est partout. Ils ne savent pas. Hein? Alors, ils ne savent pas que ça c'est en contradiction avec la croyance des musulmans et que ça c'est du kufr. Parce que la vraie croyance qui est établie dans le Coran à ce sujet-là, c'est que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. D'accord? Donc, un autre exemple par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, par rapport à ceux qui disent que les juifs et les chrétiens, ils disent, sont nos frères. Les ulama, ils ont dit, celui qui dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères, il est kafir. Pourtant, certaines personnes, comme par exemple Al-Qardawi ou d'autres, qui ont dit ces croyances-là, et les ulama ne les ont pas nécessairement déclarées kuffar. Hein? Pourquoi? Pour y en a des excuses qu'ils ont vues, que ces gens-là, peut-être qu'ils ont eu des shubuhat, ou ils ont été ignorants, ou bien ils n'ont pas compris. Hein? Donc, ils les ont excusés. Malgré que j'ai entendu un savant qui dit, un savant qui a parlé de ça. Je ne me rappelle plus de sa parole exacte, donc je ne vais pas le mentionner et je ne vais pas la citer, mais si plus tard je vérifie, donc je vous dirai exactement sa parole telle qu'il l'a dit. Telle qu'il l'a dite. Donc, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça signifie, cette différence entre le jugement général et l'application du verdict sur l'individu? La différence entre les deux, c'est, ça va se clarifier lorsque je vais vous lire l'autre exemple. Qu'est-ce que le cheikh il dit pour terminer? Il dit wa takfiru ash-shakhs al-mu'ayyan la budda fihi min tawaffur ash-shurut wa intifa' al-mawani' fala yalzamu min at-takfir al-mutlaq al-'am takfir ash-shakhs al-mu'ayyan hatta tatawaffar fihi shurut at-takfir wa tantafi 'anhu mawani'uhu. C'est ça la règle. Ça dit que le takfir d'une personne, d'un individu spécifique, ça nécessite, premièrement, qu'on ait vérifié la présence des conditions et qu'on ait vérifié que les empêchements ont été éliminés. C'est-à-dire, la présence des conditions pour qu'on puisse déclarer que la personne est kafir, et qu'on ait vérifié que les empêchements ont été éliminés, c'est-à-dire les choses qui nous empêchent de déclarer que la personne est kafir. Donc, pour donner des exemples par rapport aux conditions, les ulama, ils ont mentionné comme condition pour le takfir, donc, premièrement, qu'on établisse la preuve sur la personne en question. Donc, ils disent en arabe, iqamatul hujja, établir la preuve. Et donc, il faut établir qu'ils ont la science, c'est-à-dire ils ont la connaissance. Hein? Quelqu'un qui nie quelque chose ou qui dit une parole de kufr ou qui fait quelque chose qui est kufr mais qui savait pas que c'était kufr, on peut pas dire qu'il est kafir. Hein? Peut-être il est ignorant, la personne est ignorante. Et parmi les preuves à ce sujet-là, il y a l'exemple de l'homme qui avait demandé à ses enfants après sa mort qu'on éparpille ses cendres dans la terre et dans la mer. Et quand on lui a posé Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité après la mort, au jour de la résurrection, il lui a demandé, pourquoi as-tu fait ça? Il a dit, parce que j'avais peur à cause de mes péchés. Et ça implique qu'il pensait que Allah était pas capable de le recréer et de rassembler ses cendres et de le recréer comme il était la première fois. Et de penser que Allah est pas capable de faire ça, c'est kufr. Parce que c'est de limiter ou de réduire la toute puissance d'Allah. Mais il est excusé à cause de l'ignorance. Parce qu'il n'a pas réfléchi à ça, il n'a pas compris ça. Hein? Donc les ulama, ils ont mentionné ça comme un exemple de preuve pour excuser la personne qui fait un kufr par ignorance. Une autre excuse, ou une autre chose qui peut être une cause d'excuse, c'est la personne qui fait un kufr par contrainte. Al-ikrah. Par exemple, on l'a forcé avec une arme ou avec une menace. On lui a dit, si tu dis pas cette parole, on va te tuer. Hein? Et des choses comme ça. Comme Ammar ibn Yasir, lorsqu'il était menacé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de dire une parole de kufr, et il l'a dit par peur de mourir ou bien parce qu'il a vu ses parents mourir devant lui. Donc, pour être épargné, il a dit la parole de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset à ce sujet-là, en disant que, Yani, si quelqu'un il dit une parole de kufr alors que son cœur est yani, tranquille avec la foi, alors dans ce cas-là, il n'est pas mécréant. Hein? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette chose-là à propos de Yasir, il lui a demandé, est-ce que tu avais la foi dans ton cœur à ce moment-là? Quand tu as dit cette parole, il a dit oui au messager d'Allah. Il a dit, dans ce cas-là, s'ils reviennent te prendre encore une fois, alors redis-le encore. Hein? Fa'in adu fa'ud. Et ça, c'est sous la contrainte. Un autre empêchement ou une autre condition pour le takfir, c'est que la personne, elle n'a pas fait cet acte-là ou cette parole par erreur. Et si quelqu'un a commis un kufr ou a dit une parole de kufr par erreur, elle est excusée. Et parmi les exemples de ça, c'est l'homme qui a dit hein, oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était content de retrouver son chameau. Hein, quand il était dans le désert, il a perdu son chameau. Avec tous ses vivres et toutes ses provisions. Et là, il s'est allongé attendant la mort. Et quand il s'est réveillé, il a regardé, il a trouvé son chameau présent devant lui avec tout qu'est-ce qu'il possédait. Il a dit, oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Akhta min shiddatil farah. Il s'est trompé à cause de la joie qu'il a ressentie, tellement il était content, il a inversé les paroles. Mais il a fait ça par erreur. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, Allah est plus heureux de la repentance de son serviteur que la joie de cet homme-là. Hein? Et ça, c'est la preuve que si quelqu'un dit une parole de kufr par erreur, c'est-à-dire il n'a pas fait ça intentionnellement, il s'est trompé. Donc, il n'est pas. Tu ne peux pas le déclarer kafir. Hein? Aussi, parmi les exemples qui ont été mentionnés, la shubha, c'est-à-dire la personne qui a été confus ou trompé hein, par une chose qu'il avait compris de façon incorrecte. Il a interprété l'affaire, la religion, le texte, ou le hadith, ou le verset, d'une manière incorrecte. Hein? Et c'est ce qui, ou bien parfois par le taqlid aussi, que quelqu'un il a suivi une autre personne qu'il pensait être une référence dans l'erreur, sans avoir vérifié, et il n'a pas donc réalisé que l'affaire en question était incorrecte. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans ces exemples-là. Et puis les mawani', les empêchements, eh bien c'est le contraire. Les empêchements du takfir, c'est le contraire des conditions. Hein? Dans le sens qu'il faut vérifier que il n'y a pas ces empêchements-là qui font qu'on puisse appliquer le verdict du takfir sur cette personne. D'accord? Donc, il faut vérifier que les conditions pour faire le takfir sont présentes et qu'on a vérifié qu'on a éliminé les empêchements. Donc, parmi les empêchements, l'ignorance. Hein? Parmi les empêchements, on a vérifié que la personne, elle a décidé de le faire. Elle n'était pas contrainte. Ou bien qu'elle a fait ça intentionnellement. Hein? Et ainsi de suite. Donc, on voit que le verdict général, c'est comme une règle. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer cette règle sur tel individu en particulier? C'est pas nécessairement le cas. Il faut vérifier que les conditions s'appliquent. Si les conditions s'appliquent, alors on va dire, dans ce cas-là, ça s'applique à cette personne. Si ça s'applique pas, alors dans ce cas-là, ça s'applique pas. Et qui est apte à déterminer cela, c'est les ulama de l'islam. C'est pour ça que les ulama, ils disent, le verdict du takfir, ce n'est pas permis pour le commun des musulmans, mais c'est uniquement permis pour les savants de l'islam. ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Hein? C'est pour ça, des fois, il y a des jeunes qui rentrent dans le takfir à cause de leur ignorance ou parce qu'ils ont suivi des égarés. Ils écoutent des gens qui sont sur la bid'a, parmi les khawarij, et ils sont influencés par eux. Puis après, ils déclarent un tel ou un tel kafir, en particulier parmi les dirigeants. Parce que les khawarij, leur priorité, c'est de déclarer les dirigeants kuffars. Puis, à partir de là, ils se permettent de faire le takfir des autres. Parce qu'ils commencent par le takfir des dirigeants. C'est comme leur base pour eux, c'est le fondement. Ils commencent par déclarer kuffars les dirigeants. Puis après, à partir de ça, ils se permettent de faire le takfir de tous les autres. Ils vont dire à quelqu'un, est-ce que toi, pour toi, un tel dirigeant, il est kafir ou non? Si tu dis, non, pour moi, il est pas kafir, il est musulman, alors ils vont te calculer, toi aussi, comme étant kafir avec lui, parce que tu ne le déclares pas kafir. Parce que pour eux, une condition pour être musulman, c'est de croire que celui-là est kafir. Si tu ne crois pas qu'il est kafir, alors dans ce cas-là, toi aussi, tu es kafir. D'accord? Parce qu'ils prennent... Ils prennent ça comme une règle absolue. Man lam yukaffir al kafir fa huwa kafir. Celui qui déclare pas kafir, le kafir est un kafir. Sauf que ça c'est vrai par rapport aux kuffars qui sont à la base kuffars comme des juifs et des chrétiens. Si tu doutes que les juifs et les chrétiens sont kuffars, dans ce cas-là oui t'es kafir, comme on a dit tout à l'heure. Ceux qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères, on dit qu'ils sont des kuffars. Ça c'est parce que ce sont des kuffars asliyoun. À la base ils sont kuffars. Mais ça s'applique pas aux musulmans, celui qui est musulman, puis que tu doutes de sa mécréance parce que tu sais qu'il est musulman. Donc si tu dis de faire le takfir d'un musulman, si tu crois pas que ce musulman est kafir, alors t'es kafir, ça c'est faux. Hein? Et la règle c'est que celui dont l'islam a été établi avec certitude, tu ne peux pas le faire sortir de l'islam excepté par une certitude. Hein? Donc il faudrait être certain de cette mécréance-là, avec preuve et avec les conditions et les mawan et ainsi de suite. Donc ça c'est certaines règles. Et parmi les gens qui sont tombés dans des erreurs à ce sujet-là, comme je disais tout à l'heure, les khawarij, hein, les takfiriyins à notre époque, et ils se concentrent en particulier sur deux sujets. Et on en a parlé parce qu'on a fait des séminaires sur le takfir et sur les khawarij. Il parle en particulier de al-wala wal-bara et du jugement par la sharia. C'est là-dessus les deux points principaux sur lesquels il se base, mais bien entendu avec des erreurs. Et on va y revenir de toute façon quand on va parler au sujet du prochain, hein, du point suivant, le chapitre 6. Et c'est celui dont on va commencer à parler maintenant. À propos, hein, il dit le cheikh, al-mu'taqad as-sahih fi hukm man waqa'a fi al-kaba'ir. C'est-à-dire la croyance correcte ou la bonne croyance au sujet du verdict à propos de celui qui est tombé dans un grand péché parmi les grands péchés. Et vous savez que les grands péchés sont nombreux. Hein? Certains parmi les ulama, ils en ont mentionné jusqu'à 400 parmi les kaba'ir. Et certains parmi les ulama en ont mentionné plus que ça. D'accord? Et à ce sujet-là, justement, on en a parlé. J'ai fait un cours à Montréal avec un livre écrit par le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab. C'est un livre avec plusieurs hadiths. En fait, c'est un gros recueil de hadiths qui clarifie les grands péchés en islam. Et le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il a divisé les kaba'ir, les grands péchés, en différentes catégories. Les grands péchés du cœur, les grands péchés de la langue, les grands péchés avec le corps, hein, et il y en a d'autres exemples comme ça. Et donc, il a mentionné beaucoup de kaba'ir. Celui qui veut retourner à ce livre-là, je ne me rappelle plus combien de cours on avait fait sur le livre, mais c'était environ, plus que 60 environ, je pense. Donc ça c'est un très bon livre et c'est important de les connaître les kaba'ir parce que ça nous aide à justement être capable de s'en écarter plus facilement. Si on ignore qu'est-ce que sont les kaba'ir, eh bien on risque facilement parfois de tomber dedans. Et avant de rentrer dans le sujet, il est bien de donner la définition. Qu'est-ce que c'est une kabira? Kabira, c'est le singulier. Kaba'ir, c'est le pluriel. Donc, pour comprendre, premièrement, le verdict au sujet de celui qui a fait des kaba'ir, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est une kabira. Et les ulama, ils distinguent les péchés en deux, al-kaba'ir wa al-sagha'ir, les grands péchés et les petits péchés. Qu'est-ce qu'on qualifie de kaba'ir? Kabira, c'est, les ulama ils disent, c'est tout péché qui est commis par une personne au sujet duquel il y a une menace dans le Coran ou dans la Sunna, il y a une menace ou un châtiment dans cette vie ou dans l'au-delà qui a été rapporté, ou une malédiction qui a été mentionnée à son sujet, ou une peine quelconque. Donc, de façon générale, ça c'est la définition d'une kabira. Vous voulez que je répète? Tout péché qui a été fait par une personne et qui est relié à une peine ou une menace ou une punition ou à une malédiction, hein, ou bien à un châtiment. En gros, là, c'est ça la définition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm, alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm wal fawahish illa al-lamam. Ceux qui s'écartent des grands péchés et des turpitudes, hein, et excepté al-lamam. Al-lamam, c'est les petits péchés. D'accord, donc on a expliqué ça. Maintenant, on va commencer à lire l'explication. Qu'est-ce que le cheikh il dit ensuite? Donc il dit من ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الاشتراك بالله سوى الإشراك بالله لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. Donc le cheikh il explique ici que parmi les règles générales de la croyance des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait que tous les péchés que quelqu'un commet, excepté le shirk billah, ne font pas sortir le musulman de la religion de l'islam, excepté s'il les rend licites. Donc tout péché que quelqu'un va commettre, à part le shirk avec Allah, ne va pas faire sortir un musulman de la religion de l'islam, excepté s'il considère ou il croit que la chose en question est licite. Et le cheikh, il dit, entre parenthèses, un point important, peu importe que la personne a fait l'action en le rendant halal, en le rendant licite, ou en croyant que cela est halal sans l'avoir fait. D'accord? Peu importe que la personne en question ait fait le péché en question en croyant que c'est halal, ou en ayant cru que c'est halal sans l'avoir fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va l'expliquer après. Et la raison pourquoi la personne en question est considérée comme étant kafir si elle le rend halal, ou qu'elle croit que c'est halal même si elle ne l'a pas fait, pourquoi on dit de cette personne-là, dans ce cas-là, qu'elle aura quitté l'islam, ou qu'elle aura mécru? C'est parce que dans ce cas-là, elle a démenti le livre d'Allah. Et elle a démenti le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est considéré comme étant un kufr. Yani, selon le Coran et la Sunna et le consensus de la Ummah. Donc, comment on explique ça? Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour le comprendre, on peut donner un exemple simple. Si quelqu'un, par exemple, Il ne boit pas d'alcool. Hein, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Mais il dit, je crois dans mon cœur que boire de l'alcool est halal. Hein, c'est un musulman. Il ne boit pas d'alcool, mais il dit, je crois que boire de l'alcool est halal. Les ulama disent, cette personne, elle sait, si elle sait les preuves du Coran et de la Sunna sur l'interdiction de l'alcool, et que malgré ça, elle refuse de le croire comme étant interdit, alors dans ce cas-là, elle est considérée comme étant mécréante parce qu'elle dément ce que Allah a dit dans le Coran et dans la Sunna. Donc, les ulama, ils disent, c'est pour ça qu'ils disent que al-istihlal, c'est une forme de kufr. De rendre halal ce qui est haram, c'est une forme de kufr. Donc, si la personne, elle boit de l'alcool, mais elle ne croit pas que c'est licite, dans ce cas-là, on va dire, on n'a pas le droit de le déclarer kafir. Il est musulman, sauf que c'est quelqu'un dont la foi est faible, c'est un pécheur parmi les musulmans. On ne le déclare pas kafir. Vous voyez la différence? L'autre, il ne boit pas une goutte d'alcool, mais il est kafir. L'autre, peut-être qu'il va finir une bouteille, mais il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que lui, il reconnaît l'interdiction. Tandis que l'autre, il le nie. C'est deux choses différentes. D'accord? Tandis que les khawarij, eux, ils ne font pas de distinction. Pour eux, si tu bois de l'alcool, que tu le reconnaisses comme étant halal ou non, t'es kafir. T'es sorti de l'islam parce que t'as désobéi à Allah, t'as fait un péché. Et il y en a parmi les gens de bid'a à notre époque, parmi les sururiyas, les gens qui ont suivi la voie des ikhwan, ils sont tombés dans l'exagération, ils sont tombés dans le takfir à cause de leur... c'est ça qui arrive souvent, les gens quand ils ont... C'est normal d'avoir al-ghayra, d'avoir la jalousie, puis le sens de la jalousie pour les interdictions, puis la défense de la religion. Hein. Mais quand c'est excessif, c'est-à-dire tu dépasses les limites d'Allah, tu dis, comment quelqu'un ose boire de l'alcool puis être un musulman? Hein. C'est inconcevable. Donc il dit, ça c'est pas un musulman, c'est un kafir qui fait ça. D'accord? Donc là, il dépasse la limite. Ça c'est un jugement d'ignorance et d'injustice. À ce sujet-là, il y en a qui n'ont pas dit directement que la personne qui boit de l'alcool, il est kafir, mais ils ont dit, comme par exemple Abu Ishaq al-Huwayni, c'est un Égyptien, un cheikh égyptien, parmi justement ces sururiyas, lui, il ne dit pas que celui qui boit de l'alcool, il est kafir. Mais il dit, si quelqu'un persiste à faire le grand péché, al-kabira, alors le fait qu'il persiste à le faire, alors dans ce cas-là, ça devient une forme d'istihlal. Ça devient, c'est comme si à force de le faire, il le rend licite par son action. Hein? Et les ulama l'ont réfuté là-dessus. Hein? Ils ont dit non, l'istihlal, c'est pas dans l'action que... C'est pas le fait de faire l'action, c'est pas une forme d'istihlal. L'istihlal doit être exprimé par des paroles. C'est-à-dire, le fait de déclarer que la chose est licite, ça doit être fait par la parole, pas par les gestes ou l'action elle-même. Hein? Sinon, tu vas dire dans ce cas-là que toute personne qui boit de l'alcool ou qui fait le zina ou qui fait un péché quelconque, que son acte est considéré comme le fait de le rendre licite. Hein? Donc, par conséquent, la personne serait mécréante. Non. Le fait de faire l'acte, ça peut être à cause de la faiblesse de la foi. Ça peut être à cause d'une passion ou d'un désir de la personne. Parce qu'il suit ses désirs. Tout en reconnaissant au fond de lui-même que ce qu'il fait est haram et que c'est mauvais. Et peut-être même qu'il ressentirait de la gêne et de la honte d'avoir fait cet acte. Hein? Donc, il ne le rend pas licite. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire de celui-là qu'il est kafir, même s'il persiste à le faire. D'accord? Donc, cette distinction-là qu'il ramène de al-israr, hein, ça c'est ça, ça, ça ramène la parole à la même conclusion que celle des Khawarij, à la même conclusion que celle des Khawarij, de faire le takfir de celui qui fait des grands péchés. Et ça c'est de l'ignorance et de l'égarement. Après le Cheikh il dit: wa kullu ma duna ash-shirk min adh-dhunub la yukhalladu sahibuha fi an-nar jahannam fi nar jahannam kama qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء عفى عنه بمنه وكرمه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. D'accord. Donc le cheikh explique qu'est-ce qui arrive maintenant à cette personne qui a commis des grands péchés. Il dit, tout péché qui est moindre que le shirk majeur, parmi les péchés que quelqu'un peut commettre, ne vont pas faire rentrer quelqu'un éternellement en enfer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Tout péché qui est moindre que le shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Mais le shirk, il ne le pardonne à personne. C'est-à-dire, si tu meurs, si tu meurs sur le shirk, sans te repentir avant ta mort, alors tu es garanti à l'enfer éternel. Toutefois, si tu meurs sur un péché qui est moindre que le shirk, alors dans ce cas-là, si tu meurs sur un péché qui est moindre que le shirk sans te repentir, alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire que tu vas être en enfer pour l'éternité. Et le cheikh, il dit que le texte ou le verset en question est une preuve que la personne qui a commis des péchés sera sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, Allah, il va faire avec lui ce qu'il veut. Si Allah veut, il va lui pardonner. Il va lui épargner ce péché-là par sa faveur et par sa générosité. Et s'il décide ou s'il veut, il va le faire rentrer en enfer par sa toute-puissance, par sa justice, selon la proportion de son péché. Toutefois, il ne va pas rester éternellement en enfer à ce moment-là. Allah va uniquement le purifier en enfer pour ce péché qu'il a commis. Puis ensuite, à cause de son tawhid, va le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis. Ça c'est la aqida, c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a à propos du musulman qui a commis des grands péchés. D'accord? Contrairement aux Khawarij et aux Murji'a et aux Mu'tazila qui ont dévié sur cette question-là. Les Khawarij, eux, ils ont dit non, celui qui meurt sur une kabira parmi les kaba'ir, il est en enfer pour l'éternité. Et les kafirs dans cette dunya, son sang est halal, et c'est bien aussi, et dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Et les Mu'tazila, eux, qui ont dit non, il est ni kafir ni mu'min. Il est dans un niveau entre les deux. Puis dans l'au-delà, il est pour l'éternité en enfer. Donc, dans l'au-delà, ils rejoignent le même verdict que les Khawarij. Tandis que les Murji'a, eux, ils disent non, s'il fait des grands péchés, ça ne diminue pas sa foi du tout. Il reste aussi croyant que s'il ne l'avait pas fait, ce grand péché-là. Allah al-Musta'an. Il y en a même parmi eux qui sont parfois encore plus extrêmes que ça, et qui considèrent que même s'il commet du shirk, il ne va pas sortir de l'islam. Et ça, il y en a déjà comme ça. Il y en a parmi eux. Et ça, on l'a vu justement parce que les ulama du tawhid et les ulama de Ahl Sunnah de notre époque, à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a réfuté les gens qui adoraient les tombes, Hein? Il a écrit des preuves pour montrer que celui qui adorait les tombes, ça c'est du shirk, que ça, ça fait sortir de l'islam. Et parmi ceux qui ont essayé de réfuter les ulama du tawhid, ils ramenaient comme argument que non, depuis que tu dis la ilaha illallah, il n'y a rien qui peut te faire sortir de l'islam, même si tu fais le shirk. Hein? Donc, tu vois un peu, yani, l'exemple, et ça, ça ressemble beaucoup plus à la aqidah des Jahmiyyah, qui croient que du moment que tu connais Allah, c'est-à-dire que tu es un croyant, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, même si c'est du shirk majeur, Allah musta'an, ou du kufr majeur comme Iblis, ou comme Pharaon, des choses comme ça. Naam. Donc, ça c'est les deux extrêmes, et Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont entre ces deux extrêmes-là. Après, le Cheikh, il dit, et un point aussi en passant, et ça c'est une chose étonnante aussi, et un peu paradoxale, c'est que les groupes, par exemple, comme les Ikhwan, à notre époque, on sait que Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, était lui-même Ash'ari. Hein? Il prônait la aqidah des Ash'ariyah. Et les Ash'ariyah dans la foi sont des Murji'ah. Ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Hein? Même un des descendants de Hassan al-Banna, Tariq Ramadan, il dit dans un de ses cours que si tu te sens musulman, tu es musulman. Peu importe qu'est-ce que tu. Même si tu ne pries pas. Hein, tu te sens musulman, tu es musulman. Et quand je lui ai posé la question à propos des Qadianis, hein, j'ai dit les Qadianis, ils se sentent musulmans. Ils se sentent musulmans, ils font la prière, ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vous connaissez les Qadianis, hein? Non? Qadianis, c'est les Ahmadiyya, ceux qui croient au prophète qu'on appelle Ghulam Ahmad, hein, Ghulam Mirza Ahmad. Lui, c'est un homme en Inde qui est né dans les années 1800 et il s'est prétendu prophète. Hein? Eh bien, il y a un groupe de personnes en Inde, et même ils ont propagé ça un petit peu partout dans le monde, et eux, ils croient que cet homme-là, c'est un prophète. Après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est du kufr. Quiconque prétend qu'il y a un prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Même s'il se sent musulman. Même s'il dit la ilaha illallah. Même s'il fait 5 prières par jour. Même s'il fait le hajj. Hein? En plus de ça, non seulement il croit en un autre prophète, mais en plus il nie la sunna, il rejette la sunna. Il rejette le djihad aussi. Et beaucoup d'autres choses. Donc c'est des gens, il y en a qui sont égarés. Donc quand je lui ai dit ça, il a dit non, c'est pas pareil. De toute façon, c'est pas quelqu'un dont on devait même tenir compte de ces divergences, puisque c'est pas une référence, c'est pas un savant de l'islam. Donc ces divergences n'ont pas de poids. C'est comme si on multiplie par zéro, ça n'a pas d'importance. Ou bien si on additionne un zéro dans une équation, ça change pas le résultat. Donc lui est pas calculé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on tient compte uniquement des divergences des ulama. Pas des gens qui ne sont pas des ulama. Donc, ces gens-là, parmi les ikhwan, qui ont la aqidah des Ash'ariyah, qui disent que les actions ne font pas partie de la foi, eh bien, tu les vois aujourd'hui, c'est eux qui ont les croyances des Khawarij, qui déclarent kuffar les dirigeants musulmans. C'est ça qui est incroyable. Hein? Comme si, en fait, quand c'est une question qui a rapport avec l'application du verdict au sujet de la foi sur des individus parmi les musulmans ou sur même des prêcheurs ou des ulama, ils sont des murji'ah. Puis quand c'est avec les dirigeants, ils sont des khawarij. Alors que les gens de la sunna, ils sont sur la sunna, peu importe que ce soit à propos des dirigeants ou des prêcheurs ou des musulmans ou du commun des musulmans ou des savants. C'est pour ça que eux, quand ils parlent de nous, les gens de la sunna, ils disent vous êtes des murji'ah avec les dirigeants et des khawarij avec les du'at, avec les prêcheurs. Parce que vous êtes durs avec les prêcheurs, vous les critiquez quand ils font des erreurs. Et les dirigeants, ils font des péchés, des erreurs, et vous ne les déclarez pas kuffar. Allah al-musta'an. Alors que eux, les dirigeants, peu importe qu'est-ce qu'ils font, même si c'est des péchés, hein, ça ne les fait pas sortir de l'islam, eux, ils les déclarent kuffar pour ça. Hein? Et les prêcheurs, peu importe, même s'ils disent des paroles de kuffar, ça ne dérange pas, parce que c'est des musulmans. Ils mettent les choses tout à l'envers, en fait. Le vrai est devenu le faux, et le faux est devenu le vrai pour eux. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, Qardawi, il a beau dire des paroles de kuffar jour et nuit, et contredire les fondements de la religion, ils vont jamais critiquer quoi que ce soit de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Hein? Il a dit à propos d'Israël, quand Israël avait fait les élections, et que leur dirigeant, il a gagné, mais avec un pourcentage, il a peut-être gagné avec 60% ou quelque chose comme ça. Ils ont dit, ici on voit que c'est le peuple qui dirige, hein, parce que pour lui, la démocratie, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam. Et c'est quelque chose qui est l'idéal à atteindre. Donc il parle des élections en Israël, il dit on félicite Israël pour leurs élections, on voit que là c'est le peuple qui dirige. Il dit nous dans nos pays, les pays arabes, il dit, si le dirigeant il se présente aux élections puis il remporte avec 99,99%. Il dit même si Allah se présentait aux élections, il n'aurait même pas ce pourcentage-là de 99,99% parmi les êtres humains. En voulant dire que c'est pas possible que les dirigeants arabes, quand ils sont élus, soient élus avec ce pourcentage-là, parce qu'il est en train de comparer Allah avec une créature. Comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un dirigeant ou à un être humain. Et il dit, si Allah se présentait aux élections, il n'aurait même pas ce pourcentage-là. Et les ulama de Ahl Sunnah, quand on leur a posé cet exemple-là ou cette question-là, sans même mentionner le nom de la personne qui l'avait dit, et comme Cheikh Ibn Uthaymeen, on lui a posé la question à propos de celui qui dit cette parole-là, sans même mentionner qui avait dit cette parole. Il a dit, ça c'est une parole de kuffar. Celui qui a dit cette parole-là devrait se repentir, sinon il est kafir. Donc, ça c'est le verdict général. Donc c'est pour dire, est-ce que tu as entendu les Ikhwan critiquer ça? Non, jamais. Quand le pape est mort, il a fait son éloge, il a dit, ah c'est un prêcheur, il a été sincère dans la prêche de sa religion et tout. Hein? Donc, est-ce qu'on a entendu quelque chose chez les Ikhwan? Non, rien du tout. C'est comme si c'était correct. Donc, pour dire que quand c'est un prêcheur parmi eux, tout est correct. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui défendent, jusqu'à maintenant, bon, il y en a, c'est vrai qu'ils l'ont abandonné, il y en a qui continuent à défendre Tariq Ramadan, malgré ses égarements et ses erreurs dans la croyance et dans la religion. Et les autres choses qu'il a faites, dont il est accusé, on ne va pas dire qu'il a faites, mais on dit des choses dont il est accusé. Et ça, on n'en parle même pas. Parce que c'est petit à côté de ses égarements dans la croyance et dans la religion. C'est-à-dire que les égarements de Tariq Ramadan dans sa croyance par rapport à l'islam, c'est beaucoup plus grave que les choses dont il a été accusé. Hein? Mais pour certains, d'être accusé de ce dont il a été accusé, pour eux, c'est plus grave que ses erreurs dans la croyance ou dans la religion. Parce que les musulmans, ils inversent les choses. Et ça, c'est un exemple aussi qui est arrivé juste même à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymeen. Je pense que c'est Cheikh Ibn Uthaymeen ou un autre parmi les mashaykhs comme Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab ou un autre. Il a dit, on va étudier Kitab al-Tawhid encore une fois. Et les gens disent, mais pourquoi on l'a déjà étudié, Kitab al-Tawhid, plusieurs fois déjà? Pourquoi on va l'étudier encore? Il a dit, on a déjà compris. Ils ont dit, on a déjà compris Kitab al-Tawhid. Et le cheikh, il a dit, vous êtes certain de ça? Ils ont dit, oui. Un autre jour, il est venu, il s'est assis devant eux, il a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui a, je pense qu'il a comparé, il a dit, il y a quelqu'un qui a fait le shirk. Et ils ont pas, comme ils ont dit, ah ça c'est grave et tout. Puis il a dit, ah il y a quelqu'un qui a fait le zina, hein? Ou bien il a mentionné qu'il a fait le zina avec sa mère ou quelque chose comme ça. Voilà. Et les gens disent, astaghfirullah, ça c'est grave. Puis ils ont considéré ça comme plus grave que d'avoir fait le shirk. Alors il a dit, vous avez vu, hein, vous voyez, vous n'avez pas compris le tawhid. Parce que si vous aviez compris le tawhid, vous auriez compris que de faire le shirk, c'est beaucoup plus grave que faire ça. Hein? Donc c'est pour dire que aujourd'hui les gens, ils n'ont pas compris l'importance du tawhid et la gravité du shirk. Parce que s'ils avaient compris que le tawhid c'est la base de l'islam et le plus important de tous les fondements de la religion, et que c'est beaucoup plus grave que les péchés, hein, et bien là on aurait vu les réactions. Pourtant quand on a réfuté l'individu en question sur des erreurs qu'il a dans la croyance, les gens ont continué à l'écouter comme si on n'avait rien dit. Puis là, tout d'un coup, avec tout ce qui s'est dit par rapport aux accusations et autres, là, c'est comme, ah, lui, il ne mérite pas qu'on l'écoute. Et parmi les amis de gens qui étaient proches de lui, qui maintenant ont décidé de l'abandonner, alors qu'à l'époque où il n'avait pas ces accusations-là contre lui, il le défendait malgré ses égarements. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils n'aiment pas et ne détestent pas pour Allah. Ils aiment et ils détestent pour des intérêts de la dunya, pas pour Allah. Parce que celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, il va s'associer et se désavouer des gens, pas par rapport à des situations comme ça seulement, mais ils vont se référer aux enseignements de l'islam et juger les gens selon les principes de la religion, pas selon leurs passions et leurs désirs. Naam. Donc on va s'arrêter bientôt. Le cheikh il dit, on va expliquer un autre point. Comment on appelle le musulman qui a commis un grand péché? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Le cheikh il dit wa qad samma Allah fi kitabihi ba'd al-kaba'ir kal-qatl wal-baghi wa athbata al-iman li ashabiha. فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان. Donc le cheikh il dit, Allah il a mentionné ou il a nommé certains parmi les grands péchés dans le Coran, comme le meurtre, la transgression, et malgré ça il a affirmé à ceux qui avaient commis ces péchés-là la foi. Hein? Donc ils sont des croyants par rapport à leur foi, et ils sont des pécheurs par rapport à leur péché. Et l'exemple qu'il a cité, c'est le verset 178 dans Sourate Al-Baqarah. Le verset 178 dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, le talion vous a été prescrit à propos des gens qui ont été tués. Le talion, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-qisas. C'est quoi? En fait, c'est la justice. Hein, le fait que l'esclave, une personne libre sera exécutée pour une personne libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme, et c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Hein. Et il dit, donc, quiconque pardonner à son frère, hein, c'est-à-dire la victime, hein, qui a été tuée, Allah l'a appelé son frère, alors qu'il l'a tué. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Donc le cheikh dit, Allah a affirmé la foi au meurtrier, hein, et à la victime parmi les croyants. Et il a en plus de ça affirmé la fraternité de la foi, malgré que l'un a tué l'autre. Il les a appelés des frères. Et un autre exemple que le cheikh il n'a pas cité ici, mais qu'on peut mentionner, qui est encore plus clair que ça. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Le verset dans sourate Al-Hujurat, je pense c'est le verset 9 ou 10, je me rappelle plus exactement, mais c'est pour dire que si un Allah, il dit ce qui signifie, et si un groupe d'entre les croyants, ou si, plutôt si deux groupes d'entre les croyants se combattent l'un l'autre, faites la réconciliation entre les deux. Mais si un des deux, après la réconciliation, transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe des deux qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et si il cesse, alors faites la réconciliation entre eux et soyez justes. Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. D'accord? Donc ça c'est la preuve que malgré qu'ils se combattent, hein, ils sont des frères quand même. Parce qu'ils sont des croyants. Ils sont malgré tout des croyants. Et c'est la preuve qu'ils ne sont pas des kuffars. Hein? Malgré qu'ils ont commis le péché de tuer. Hein? Et qu'ils se sont tués les uns les autres, mais ils ne sont pas des kuffars pour ça. Et Allah les a appelés mu'minoun. Allah les a appelés croyants. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite donc qu'ils sont croyants, donc avec leur foi, et pécheurs avec leur péché. Et par rapport à ça, il est important aussi de comprendre que qu'est-ce qui s'est passé entre les sahaba? On va en parler de toute façon, la question des sahaba plus tard. Ça, c'est une question d'ijtihad. C'est-à-dire que les sahaba, ils ont utilisé leur jugement, ils ont essayé de chercher la vérité avec la, sont des hommes, ils sont considérés comme des savants. Et ils ont agi selon ce qu'ils croyaient être le plus proche de la vérité. Certains ont eu raison, d'autres se sont trompés. Mais celui d'entre eux qui s'est trompé, il a une récompense au lieu de deux, tandis que l'autre qui a eu le bon verdict ou qui a eu la bonne position, lui, il a deux récompenses. Mais les deux sont pardonnés et excusés, hein, pour son erreur. Donc, on ne va pas les blâmer pour qu'est-ce qui a pu se produire entre eux. Et on doit avoir pour eux tous le respect et l'amour, puisque ce sont, hein, des gens que Allah a agréés. Allah les a agréés. Et le cheikh il dit ensuite, je ne veux pas dépasser trop. 10 minutes encore? Ok, d'accord. C'est versets 9 et 10, hein? Ok, donc dans j'avais dit 9 ou 10, et bien c'est 9 et 10 finalement. Donc j'étais pas loin, alhamdoulillah. Le cheikh il dit wala munafata bayna itlaq al-fisq 'ala al-'amali aw 'amilihi wa tasmiyati al-'amili musliman wa jarayan al-ahkam al-muslimin 'alayhi wa qissatu as-sahabi 'Abdullah Himar alladhi rawaha al-Bukhari fi sahihihi غاية في توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. Le cheikh il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'appliquer le terme fisq à propos d'une action ou de celui qui l'a accompli, comme celui qui a fait un péché, celui qui a fait le péché, ou le péché lui-même, de dire que ça c'est du fisq, un péché, hein, une transgression ou une désobéissance. وَتَسْمِيَتُ الْعَامِلِ مُسْلِمًا, et d'appeler celui qui l'a fait ce péché-là musulman. Donc c'est pas parce que quelqu'un a fait un péché, hein, c'est pas parce que quelqu'un a fait un péché qu'on ne peut pas dire de lui qu'il est musulman. C'est pas parce que quelqu'un a commis un péché qu'on ne peut pas dire de lui qu'il est musulman. Et ça c'est la même chose pour tous les musulmans, c'est-à-dire qu'il soit un dirigeant ou le commun des musulmans. S'il commet un péché, tu dis c'est un musulman. Tu ne vas pas dire qu'il est kafir. Hein? Et il dit, et on doit appliquer sur lui les règles qui s'appliquent au reste des musulmans. Et il dit, il y a à ce sujet-là un exemple clair dans l'histoire qui est arrivée à un compagnon, Abdullah Himar. On l'appelait Himar. Hein? C'est quelqu'un qui était souvent ivre. Hein? Après l'interdiction de l'alcool, il continuait à boire parfois et on l'attrapait en état d'ivresse. Mais c'est quelqu'un qui ramenait constamment des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui était bon. Hein? C'était quelqu'un qui était bon en lui-même. Et qui aimait l'islam, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il avait cette maladie, cette faiblesse par rapport à l'alcool. Donc on le retrouvait constamment en état d'ivresse, et chaque fois qu'on le trouvait en état d'ivresse, on le ramenait au messager pour que la punition qui a été prescrite pour ce genre de péché-là soit établie sur lui. Hein? Et donc, il était fouetté, je pense que c'est 40 coups de fouet, la punition pour celui qui est trouvé comme étant ivre, ou bien, comme on dit ici, sous, quelqu'un qui est sous, hein, qui est ivre. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que une fois parmi d'autres, quand on a attrapé cet homme-là en train de boire de l'alcool, il était ivre, on l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un d'entre les sahabas qui était présent et qui a dit la'anahullah, ça veut dire que Allah le maudisse. Et en arabe, les ulama ils expliquent que le terme la'anahu, ça veut dire yani taradahu min rahmatillah, c'est à dire qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Et il a dit yani, celui-là on vient avec lui trop souvent, c'est exagéré, comme s'il dit c'est exagéré, il vient trop. Hein, à chaque fois on l'attrape et on le punit, à chaque fois il boit encore. Qu'Allah le maudisse. Hein? C'est la ghayra dont j'ai parlé tout à l'heure. La jalousie que la personne ressent en lui-même devant la personne lorsqu'elle commet un péché, ça dégoûte le croyant. Donc lui, par jalousie, il dit « La'anahullah ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, il a dit « Non, ne le maudis pas ». Hein? Et dans d'autres narrations, et je pense, si je me rappelle bien, il a dit n'aidez pas le shaitan contre votre frère. Hein? Il a dit ne le maudis pas car il aime Allah et son messager. La tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. C'est un hadith authentique. Donc ça veut dire que même si la personne elle boit de l'alcool et commet des péchés, mais ça reste que c'est un musulman. Hein? Donc tu ne dois pas le maudire. Même que les ulama ils disent que de maudire un individu spécifique, ce n'est pas permis. Hein? De maudire un individu spécifique, ce n'est pas permis. De maudire une catégorie de personnes de façon générale, ça c'est permis. Mais de maudire un individu spécifique, ce n'est pas permis. Comme si tu dis la'natullahi ala al-kafirin, la'natullahi ala al-zalimin, la'natullahi ala, yani, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple, yani, la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mukhannithina min al-rijal, wal-mutarajjilati min al-nisa. en voulant dire Allah il a maudit les femmes qui agissent comme des hommes, puis les hommes qui agissent comme des femmes. Donc ça tu peux faire de façon générale, mais de maudire un individu spécifiquement, c'est pas permis. Parce que c'est Allah qui décide à qui il fait miséricorde ou non. Hein? Oui. Tu vas dire à la personne, crée Allah, akhi, ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui agit de cette façon-là. Oui, ça c'est permis de lui dire ça. Mais de lui dire que Allah te maudisse, non, ça c'est pas la même chose. Non. Et le cheikh il dit ensuite, فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ بَلْ قَدْ أَثْبَتَ لَهُ الْإِيمَانَ مَعَ وُقُوعِهِ فِي هَذِهِ الْكَبِيرَةِ. Donc il dit, le fait d'avoir uniquement commis ce grand péché-là n'est pas suffisant pour le déclarer comme étant sorti de l'islam. Plutôt, il a même affirmé la foi à son sujet, malgré qu'il a commis ce grand péché-là. Donc ça c'est une preuve. Il y a un hadith aussi, et j'essaie de le mémoriser, mais à chaque fois il m'échappe. Mais je me rappelle quand même de la partie que c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, puis Abu Dharr radiallahu anhu, il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toute personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il entrera au paradis. Hein? Et Abu Dharr a dit, ô messager d'Allah, il a dit, wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq, ala raghmi anfi Abi Dharr. Il a dit, ô messager d'Allah, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Il a posé encore une troisième fois, pour insister, pour être certain, même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, hein, et que le nez de Abu Dharr soit mis dans la poussière, même si ça te déplaît. C'est une expression, yani les Arabes disent ça comme ça. Ala raghmi anfi Abi Dharr. En voulant dire, même si ça te fait pas plaisir, yani c'est ça la réalité. Hein? Donc, ça veut dire que, ça c'est pas pour dire que, on doit pas, craindre les péchés, ou qu'on doit pas mettre en garde contre le péché, ou détester les péchés, ou diminuer la gravité des péchés, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est de comprendre que entre le coffre et le péché, il y a une grande différence. Et qu'il faut pas tomber dans l'extrémisme de penser que le fait d'avoir commis un péché, ça fait sortir de l'islam. Surtout à notre époque. Parce que les musulmans sont tellement éloignés de l'islam à notre époque, et des gens commettent des péchés comme s'ils buvaient de l'eau, parce qu'ils ne réalisent pas, ils ne connaissent pas l'islam. Et donc des péchés que des gens, hein, comme il y a un hadith qui disait ça, je pense que c'était les sahaba qui disaient ça aux tabi'in à l'époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les sahaba disaient, un sahabe, je me rappelle plus si c'est Abdullah ibn Abbas ou un autre parmi les compagnons, il dit, vous faites aujourd'hui, vous, des péchés que nous, si on les aurait fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait considéré que c'était notre perte. Hein? Donc, si ça c'était à l'époque des sahaba, que dire nous à notre époque? Les gens aujourd'hui se permettent de faire des choses. Les sahaba, ils n'auraient même pas imaginé qu'un jour quelqu'un allait faire ça. Mais chaque époque, elle a sa réalité. Malheureusement, on est loin de la réalité de la foi. Si tu vois par exemple, qu'est-ce que des hommes musulmans, qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur vie personnelle, comment ils vivent, et des femmes, la même chose, comment elles se permettent de faire des choses graves. Et regarde comment les musulmans sont maintenant mélangés au kuffar dans les pays de kuffar. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas 100 ans en arrière. Vous reculez 100 ans en arrière, vous n'allez pas trouver qu'est-ce qu'on trouve maintenant. Des musulmans installés de cette manière, vivant parmi les kuffars et les mouchriquins, de cette façon-là. Ça n'existait pas, ça. Hein? Ça, c'est nouveau, tout ça. Et plus qu'on avance, plus que ça commence à être normal. Donc, pourquoi? Parce que la foi, elle diminue, et la science, elle diminue. Et plus le temps avance, plus on s'éloigne. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera maintenant le prochain cours. Je pense que c'est après le Maghreb. Ok, d'accord, Inch'Allah. Donc, subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.